tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans mon émission qui s'appelle Autour de vous, qui traite de l'actualité locale, des manifestations à venir et des artistes à suivre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans notre studio Joël Tauzin, dit JT, artiste portraitiste et caricaturiste. Joël, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Laura, tout va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, écoutez, j'habite à Rumiremont depuis 2008, avant j'étais à Vesoul. Je m'appelle Joël Tauzin, j'ai 75 ans. Et depuis la retraite, je me suis remis au portrait, qui a été mon premier métier, il y a très longtemps. Alors depuis quand vous vous êtes découvert une passion pour l'art ? Mais en fait, depuis très très très très jeune, très petit, je dessinais déjà les têtes des personnages de BD, genre Spirou, Tintin, etc. Et puis à l'âge de 6 ans, j'ai fait un premier portrait qui était celui de ma petite sœur. Et la famille dans laquelle j'étais à l'époque m'avait vivement encouragé à continuer. Et puis en fait, c'est devenu une véritable passion, un métier à l'âge de 17 ans, de 17-20 ans. Et puis après, j'ai fait un tout autre chose pendant 40 ans. Et à la retraite, j'ai repris cette activité qui me plaît beaucoup, et une véritable passion. Vous avez bien fait, parce que vu la qualité de votre travail, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité ici. Je suis contente de vous recevoir d'ailleurs. Est-ce que vous avez fait une école d'art ? Absolument pas. J'ai jamais appris quoi que ce soit. Il y avait les cours de dessin au lycée. En fait, comme je dessine pas tout à fait comme tout le monde, ça amusait le prof. J'étais toujours premier sans trop me casser la tête d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un artiste ou une personne qui vous a donné envie de dessiner ? Pas vraiment, parce que c'est venu depuis tout gamin, alors que je ne connaissais rien à rien, en fait. C'était une envie de dessiner la tête des gens. Et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est comme ça. Quel genre d'art pratiquez-vous, du dessin, de la peinture ? Alors, c'est essentiellement des portraits au crayon, mais aussi des caricatures quand on m'en demande. Je fais aussi du speed painting, ça c'est difficile. C'est faire le portrait d'un artiste pendant le temps d'une chanson, c'est-à-dire à peu près en 4 minutes. Wow. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce qu'on a très peu de temps, on travaille de mémoire, on n'a pas de modèle. Et puis, on a souvent beaucoup de monde dans le dos qui attend. Et donc, il y a du stress quand même. Voilà. Et puis autrement, j'ai fait pas mal de dessins au sol. Vous savez, ces dessins qui donnent une impression de 3D. Ah oui. Voilà. J'ai fait aussi ça pas mal. Alors, vous avez un don, c'est indéniable. Est-ce que vous en avez conscience ? Oui et non, parce que je me dis qu'il y a la passion qui aide beaucoup, le fait d'en avoir fait beaucoup. On peut que s'améliorer au fil du temps. Et puis, je crois que c'est la passion et le travail qui aident beaucoup. Le don, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas juger. Alors, j'ai découvert vos œuvres par hasard via un groupe Facebook qui s'appelle « Tu sais que tu habites à Remiremont aussi ». Oui. J'ai vu un portrait d'un petit garçon et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous invite dans mon émission. Et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui me fascine dans les portraits que vous avez réalisés, c'est le regard. Oui, c'est très important. Le regard, c'est le reflet de l'âme. Il faut absolument passer du temps pour vraiment rendre l'impression que donne la personne, ce qui émane de cette personne dans son caractère, dans sa douceur, ou éventuellement sa dureté. Il faut qu'on ressent, on ait le même ressenti que le modèle. Voilà, c'est ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, on peut mentir avec un sourire, mais pas avec un regard. Non, le regard, c'est le reflet de l'âme. Et souvent, quand je reçois des clients, quand je dessine en public, je vois tout de suite, avec l'habitude, je vois tout de suite le fond de leur âme. Alors, je trouve que le regard peut à la fois révéler une part de vulnérabilité comme de la force. Vous en pensez quoi ? Oh oui. Dans le regard, on voit beaucoup de la personnalité de la personne. Est-ce que vous avez un atelier ? Je n'ai pas d'atelier, je dessine sur un coin de table chez moi, souvent en regardant la télé d'ailleurs. Dans quelles conditions dessinez-vous ? Est-ce que vous préférez travailler dans le silence ou dans le bruit ? J'aime bien travailler dans le silence puisque je me lève très tôt le matin, à 4h du matin pour dessiner, il n'y a pas un bruit dans l'immeuble. Mais d'un autre côté, je dessine en public tous les mercredis dans un centre commercial et ça ne me dérange pas du tout. Et je suis dérangé sans arrêt par les clients, mais ça ne me dérange pas du tout pour dessiner. C'est bien, parce que je pensais que le fait que les gens vous regardent, ça peut mettre une certaine pression, de peur par exemple qu'ils soient déçus de leur portrait ou quelque chose comme ça. Ça fait 15 ans que je dessine au centre commercial à Vesoul. Et au début, évidemment, les premières fois, j'avais un petit peu la crainte de me rater et puis que les clients me le fassent remarquer. Puis en fait, avec le temps, j'y fais même plus attention. Hein. Ça fait plus de 650 fois que j'y vais. Ah oui. Donc je n'y fais plus du tout attention. Hein. Est-ce que vous avez peint en dehors des Vosges ? Au départ, j'étais à Dijon, tout au début, donc la première partie de ma vie. Et par la suite, j'ai été à Vesoul. Donc au début, j'allais au centre commercial, j'habitais encore à Vesoul. Après, je suis venu à Remiremont, mais je suis resté fidèle à ce centre commercial où je suis accueilli vraiment très bien.

Et toute la salle a chanté en même temps cette chanson, et c'était très impressionnant. Je me souviens, au niveau émotion, c'était fort. Et puis Patrick Bruel, dès qu'il y a du Patrick Bruel qui passe, tout de suite, tout le monde chante. Ah oui. Alors, nous allons reparler de vous. Du coup, Joël, est-ce que vous passez un bon moment en ma compagnie? Ah, très bien, c'est très sympa. J'en suis ravie. Alors, comment trouvez-vous nos studios? Bah, écoutez, oui, c'est bien, c'est sympa, on est à l'aise. Est-ce que vous avez déjà été invité dans une émission de radio? Alors oui, mais il y a très longtemps. À l'époque, j'étais dirigeant d'un club de course d'orientation. C'était il y a très longtemps, dans une autre vie. Et donc, j'avais été appelé pour parler de ce sport un peu particulier et puis très peu connu. Est-ce que vous avez déjà fait des interviews dans les journaux comme Vosges Matin? Oh oui, plusieurs fois à Vosges Matin, oui, oui. Est-ce que vous avez déjà parlé de votre travail dans une émission de télévision? Oui, oui, oui, oui. Laquelle? Alors, je suis allé à Tout le monde veut prendre sa place. Donc, j'ai discuté de ça avec Nagui pendant 6 minutes. Waouh! Et puis, il y a quelques mois, M6 est venu me filmer là où je dessine en live le mercredi. Et puis, chez moi. Waouh! Voilà. Et donc, je suis passé aux actualités de M6. C'était le 1er février. Ah, ben, j'irai voir si on peut retrouver le replay ou quelque chose comme ça. Au 12h45. Ah, voilà. C'est extraordinaire. Je suis contente de vous avoir dans mon émission. Du coup, ça vous apportera un petit peu plus de renommée au niveau de Remiremont. Parce que j'espère que les auditeurs qui nous écoutent iront voir ce que vous faites. D'ailleurs, on fera une petite pub pour vous à la fin de l'émission. C'est très gentil, merci. De tous les moyens de communication dont nous venons de parler, quel est pour vous le plus efficace pour se faire connaître? Ben, jusqu'à maintenant, c'était la télévision. L'impact de la télévision, notamment aux actualités de M6, ça a été assez formidable. J'ai eu énormément d'appels par la suite. Pensez-vous que la méthode du bouche à oreille est la meilleure manière de se faire connaître? Oh, je pense pas, non. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux et la télévision qui ont... Mais les réseaux sociaux aussi, c'est pas mal. Après, ça peut être un début, et puis après, histoire de se faire connaître, et puis après, les gens, ils vous mettent sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Oui, je suis suivi par pas mal de monde sur les réseaux sociaux. Et puis, le fait de dessiner en public le mercredi aussi, il y a beaucoup de monde dans ce centre commercial, et c'est vrai que le bouche à oreille joue beaucoup là aussi. Alors, comment vous est venue l'idée de faire partager vos œuvres au grand public et de dessiner ou de peindre devant eux? Ben, c'est arrivé un peu bizarrement parce qu'à la retraite, je me suis dit, bon, ben, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais reprendre mon activité de portraitiste que j'avais eue quand j'étais jeune. Et puis, alors, je me suis exercé sur mes collègues de bureau un peu avant la retraite pour retrouver le coup de crayon. Et puis, à partir de là, ben, je pensais que ce serait une occupation. Je ne pensais pas du tout être connu, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le centre commercial en question venait d'ouvrir à Vesoul. Mm-hmm. Et une des caissières était une amie qui était très, très jolie. Et je lui ai demandé de me servir de modèle pour faire une affiche et puis une carte de visite. Donc, elle m'a servi de modèle et j'ai mis mon affiche au centre commercial sur le panneau qui était dédié à ça. Le directeur a vu l'affiche, il a reconnu sa caissière et il lui a dit de venir, que j'aille le voir quand je viendrai. Donc Cécilia m'a dit, ben, le patron veut te voir. Donc quand je l'ai vu, il m'a dit, ben, écoutez, vous venez dessiner un jour par semaine ici gratuitement. Ce que vous gagnez, c'est pour vous, mais vous n'allez pas chez les autres. Ah oui. Donc ça fait 15 ans que ça dure. Ah, c'est vraiment bien. Alors nous allons faire une petite pause musicale avant de parler de vos œuvres. À tout de suite sur RGM 107FM. Play Nous revoilà sur RGM 107 FM pour parler des œuvres de Joël. Alors, soyez les bienvenus aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre et merci à ceux qui sont là depuis le début d'être restés avec nous. Alors, pour ceux qui viennent d'allumer leur transistor ou leurs autoradios, depuis midi, nous faisons la connaissance de Joël Tauzin, autrement appelé JT. Est-ce que JT est votre nom d'artiste ? Oui, c'est mon nom d'artiste, oui. J'ai pris mes deux initiales et puis je les ai accolées, un peu comme Hergé avait fait, voilà. Quand vous avez fini une œuvre, vous signez avec ce nom-là ? Oui, JT, oui, oui. Alors, à une exception près. Il y a une seule exception, parce que j'ai fait le portrait récemment d'un monsieur qui s'appelle Joël Tauzin, comme moi, ah oui, que j'ai ça. Rencontré dans le Bordelais, où il est viticulteur, et puis je lui ai envoyé son portrait, et j'ai signé Joël Tauzin pour qu'il fasse croire que c'est lui qui l'a fait. On pourrait dire que c'est un autoportrait. Alors, au début de l'émission, nous parlions des portraits que vous réalisez. J'aurais d'autres questions à vous poser. Notamment, est-ce que les gens qui vous demandent de les dessiner, est-ce que c'est vous qui leur demandez de les dessiner, ou c'est eux ? Oh, c'est tout des demandes des gens, hein. Par contre, je fais beaucoup de cadeaux. Et quand je dessine en public, si un enfant, notamment un enfant, vient discuter 5 minutes avec moi, je lui offre toujours son portrait, parce que j'ai toujours le coup de cœur. Est-ce que le dessin ou la peinture est une passion, un exutoire pour vous ? Est-ce que ça vous fait du bien de peindre ou de dessiner ? Ah oui, ça me relaxe, et puis j'adore. Ouais, c'est véritablement une passion. Le fait de surtout dessiner la tête des gens. Ouais, surtout la tête des gens. Dessiner autre chose, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, vous m'avez montré hors antenne des portraits très réalistes, dont un de la chanteuse Beyoncé. Mais est-ce que vous avez déjà dessiné des personnes célèbres à leur demande ? Oui, c'est arrivé une fois. C'était le footballeur Bakary Sagna. Mm-hmm. Voilà, ça doit être la seule personne connue. Comment vous peignez ? Parce que vous me parliez justement de speed painting. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est à nos auditeurs ? Alors ça, c'est un exercice qui est très difficile. Ça consiste à faire le portrait d'un chanteur pendant le temps de la chanson. Ah oui. Par exemple, pour Léo Ferré, c'est 3 minutes 42 pour cet extra. Mm-hmm. Pour Patrick Bruel, c'était 4 minutes, Place des Grands Hommes, etc. Donc c'est très peu de temps pour faire un portrait. Il faut vraiment aller très très vite et puis on n'a pas de droit à l'erreur. Vous m'aviez dit aussi que vous peignez avec les deux mains. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites ça ? Voilà, je dessine avec les deux mains parce que depuis toujours, je fais tout des deux mains. J'écris des deux mains, je suis ambidex depuis toujours. Et puis, donc j'ai besoin aussi de dessiner des deux mains. Les deux mains ont besoin de dessiner. Donc ça me permet d'aller très vite. Mais ça ne doit pas être évident parce que notre cerveau est fait que pour se concentrer sur une seule chose, alors sur deux. Oui, ben je ne sais pas pourquoi, parce que tout naturellement, j'arrive à le faire sans difficulté. Je peux même faire deux portraits en même temps, un de chaque main. Je le fais de temps en temps pour faire des démonstrations, mais c'est quelque chose qui est très fatigant par contre. Oui, j'imagine. Ça use la tête. Alors Lia, ma directrice d'antenne, est à côté de moi. Monsieur Joël Tauzin nous a ramené des portraits dont il nous montrera ça tout à l'heure. D'ailleurs, tu peux les regarder à côté. Ils sont vraiment très très réalistes et très beaux. Alors, vous ne faites pas que des portraits, vous réalisez aussi des caricatures. Alors, une caricature, c'est quoi ? Une caricature, c'est un délire. Évidemment, on part d'une photo de la personne, on analyse bien sa personnalité, et puis après, on déforme un petit peu pour augmenter les traits principaux, que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. On n'augmente pas forcément ce qui ne va pas bien. Mais tout en gardant le rendu de la personnalité. Au contraire, mais en essayant de l'accentuer. Mais c'est un délire, hein. Et il faut le prendre vraiment à la rigolade, parce qu'il y a des gens qui s'en offusquent, mais c'est dommage. Ah, il faut un certain recul, je pense, pour... Oui, il faut prendre ça au deuxième degré, et puis se demander pourquoi le caricaturiste a fait comme ça, peut-être plus tôt. Pensez-vous que les caricatures peuvent changer le regard que les gens ont d'eux-mêmes ? Par exemple, est-ce que ça peut les aider à prendre du recul sur leur complexe ? Oui. Oui, je pense. Et je pense que c'est une bonne solution si la personne sait le prendre au deuxième degré. Sinon, elle va me prendre pour un abruti parce que j'ai tout déformé la réalité. Alors, vous réalisez aussi des trompe-l'œil et je trouve ça tout aussi fascinant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors, en fait, ce sont des anamorphoses, c'est-à-dire ce sont des dessins au sol qui donnent une illusion d'être en trois dimensions. Mm-hmm. En fait, ce sont des dessins très déformés, hein, ça se calcule. Et l'impression est assez surprenante. Mais ça, c'est pareil, c'est un gros travail, parce que ce sont des dessins de grande dimension, très allongés. Alors notamment, il y en a un à Remiremont que tout le monde peut voir, c'est la maison transparente. Mm-hmm. Cette maison qui est peinte devant le musée Fréry. Il faut se mettre sur les pas qui sont sur le trottoir, et à deux pas blancs qui sont peints. Et la maison semble se confondre à la façade du musée. Parce que ce qui est dessiné sur la maison, c'est la façade qui est cachée derrière. Ah ouais, ah, c'est voilà. Bien. Alors j'ai fait ça en 2012 avec un ami catalan, hein, qui fait les mêmes choses. Mm-hmm. On avait 10 jours de travail à deux, c'était vraiment un gros travail. Hein. Mais c'est assez sympa à voir, hein. L'illusion est assez surprenante. Bah justement, comment est-ce que vous pouvez réussir à berner le sens de la perspective de la personne qui regarde un trompe-l'œil ? Bah justement, c'est la déformation qui donne l'illusion que le dessin n'est pas en longueur par terre, mais au contraire vertical devant nous. Et c'est la déformation qui donne cette illusion. Par contre, il faut vraiment calculer bien. La première, je l'ai faite dans le centre commercial de Vesoul, pour la fête du mariage. Et j'étais très inquiet, je venais sans arrêt sur le point de vue, puisque c'est des œuvres qui doivent être vues d'un seul point. Je venais sans arrêt voir ce que ça donnait, puis petit à petit, j'ai vu le dessin sortir du sol. C'était rigolo, d'ailleurs. Alors, le centre commercial avait loué les services d'un photographe qui a fait des centaines de photos, puisque ce sont des dessins interactifs, où les gens montaient dessus, et vraiment, ça donnait des drôles d'illusions. Nous allons faire une dernière pause musicale avec un choix que je trouve qui va bien avec votre art, avec la célèbre chanson Unchained Melody tirée du film Ghost. Et on se retrouvera juste après, à tout de suite sur Radio Gemozo. Cette chanson est intemporelle et à chaque fois qu'on l'écoute, pour ceux qui connaissent le film Ghost, c'est la scène mythique. La poterie. Voilà, la poterie. Alors pourquoi ce choix de musique, Joël ? Bah, j'adore cette chanson, elle me rappelle des beaux moments. Puis, c'est une musique que j'ai utilisée pour faire le portrait de Marilyn Monroe en speed painting. Waouh ! En voilà. Combien de minutes du coup ? Je crois que c'était 5 minutes. Waouh ! Ouais. Mais 5 minutes, c'est assez long, ça va. Léo Ferré, 3 minutes 40, c'est beaucoup plus court. Ah, d'accord. Mais ça suffit. On peut faire un portrait en 3 minutes 40. Est-ce qu'il existe différents types de peintures ? Par exemple, ce que vous disiez, vous utilisez des fois le crayon à l'huile. Ah, c'est un crayon qui permet de rendre des effets formidables, notamment pour les cheveux. Mm-hmm. Mais qui a un gros problème, c'est qu'on ne peut pas le gommer. Ah, oui. Donc, je n'ai pas de droit à l'erreur. Il faut être juste du premier coup. Et ça vous est déjà arrivé de recommencer ? Alors, ça m'est arrivé au début. J'ai commencé à l'utiliser. J'ai eu des moments d'inattention coupable qui ont fait on déchire la feuille puis on recommence. Et bon, depuis, je me suis adapté. En fait, il y a une prudence qui est toujours sous-jacente qui fait que ça marche, quoi. Ça se passe bien. À votre avis, d'où vient ce don que vous avez de dessiner avec les deux mains ou de dessiner tout court ? Écoutez, je n'en sais rien du tout puisque je n'ai pas connu mon père. Je pense que ça venait de lui, mais je ne l'ai pas connu, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Ma mère, je l'ai très peu connue, je pense que non. Donc en fait, c'est un peu un mystère, je ne sais pas. C'est comme ça, je l'ai découvert très jeune, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des gens qui sont nés avec quelque chose d'hors norme. C'est peut-être votre cas. Je ne sais pas. Le fait de dessiner des deux mains, certainement, oui, mais dessiner, je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui dessinent très bien. Mais franchement, les vôtres, sortis du lot par rapport à d'autres portraits que j'ai pu voir, parce que vraiment, c'est la justesse du dessin, et surtout, c'est les regards, je le redis encore une fois, l'intensité des regards qui sont fascinants, parce qu'ils sont vrais, quoi. Oui, mais c'est le reflet, comme je disais, c'est le reflet de l'âme, et franchement, j'y passe quand même du temps pour être sûr de pouvoir rendre l'expression de la personne. On la retrouve vraiment exactement. Oui, puisque le regard, c'est quand même quelque chose de complexe à dessiner. Oui, le regard en premier, le sourire en deuxième. Le sourire est important aussi. On y fait moins attention, mais ça joue beaucoup aussi. Il faut être très juste aussi là. Est-ce que vous peignez sur commande ? Oui, c'est essentiellement. Bon, je fais beaucoup pour moi. Je fais beaucoup de cadeaux parce que en fait, je marche au coup de cœur. Et puis quand un enfant est sympa, il discute avec moi en public, il vient discuter 5 minutes, je lui offre toujours son portrait. Je craque toujours devant les enfants. Ils sont sympas, ils ont quelque chose. Et puis, souvent, je leur offre leur portrait. Alors, évidemment, des gens que je ne connais pas, effectivement, j'ai des commandes que je dessine aussi sur commande, voilà. Est-ce que vous avez un site internet, par exemple, sur lequel on pourrait commander quelque chose à dessiner ? Alors, j'ai pas de site, mais par contre, je suis sur Facebook. Mm-hmm. Sur Facebook, à mon journal qui est au nom de Joël Touzin et à ma page qui est au nom de JT Portraitiste. Alors, les gens viennent voir et puis j'ai des commandes de temps en temps là. Et puis en public, quand je dessine au centre commercial le mercredi. Est-ce que vous avez des projets actuellement dans un futur proche ? Des projets, pas trop, parce que si, c'est continuer de dessiner le plus longtemps possible, tant que je pourrai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est rencontrer à nouveau Thibaut Pinot, notre champion cycliste, parce que j'ai fait un premier portrait que j'ai eu la chance de pouvoir lui remettre directement. Et j'avais bien apprécié l'entrevue. Et je suis en train d'en faire un deuxième, puisque le Tour de France va démarrer. Et j'aimerais bien aussi le lui remettre en main propre. Ah oui. C'est un champion que j'aime beaucoup, et puis qui a l'air de revenir très bien, en forme, et puis qui est de notre région. Ah, ça doit être quand même quelque chose de remettre le portrait de la personne... À lui remettre à elle. Ah oui, j'ai eu Nagui, à qui j'ai remis son portrait. J'ai eu Marion Rousse, une très belle rencontre. Marion Rousse, oui, ça doit être les principales personnes connues. Ah, j'ai un oncle aussi qui peint. Il a peint un portrait de Johnny Hallyday sur des stores. Et il a été à sa rencontre, il lui a montré, et Johnny Hallyday lui a fait une dédicace. Sur le store. Sur le store, exactement. Ah ouais. Donc voilà, je voulais parler de ça. Et du coup, on embrasse mon oncle Thierry et on a une grosse pensée pour Johnny Hallyday qui nous manque. Ah oui. Et qui sera toujours là grâce à sa musique. On m'a souvent demandé de le dessiner après son décès, en speed painting, quoi, dans différentes réunions. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ce personnage aussi, il est très intéressant. Est-ce que c'est l'une des plus grosses demandes que vous avez ou d'autres personnages publics ? Oh, celui que j'ai le plus dessiné, c'est Johnny, surtout depuis son décès. Oui, oui. Autrement, j'ai dessiné déjà une trentaine de personnages différents. Comme quoi, vous avez déjà dessiné pour des enfants des personnages animés ou quelque chose comme ça ? Non, j'ai dessiné des chanteurs, des acteurs, des sportifs, souvent des mariés. Il m'est arrivé de dessiner des mariés, les deux en même temps, un de chaque main. Ah oui. Un de chaque main. Et... Vous voyez, quand je vais à un mariage, je dessine les mariés. Je suis allé à la retraite de deux personnes, j'ai dessiné les deux personnes. Quand on m'invite à des cérémonies quelconques, j'en profite pour dessiner les gens. Est-ce que vous peignez juste comme ça, par exemple, si vous allez voir un événement quelconque, vous dites, tiens, je vais dessiner, j'ai un crayon, un papier, je vais dessiner. Non, pas du tout. Non, je regarde l'événement, mais non, je suis spectateur, là. Alors cette émission est malheureusement terminée. Et oui, hélas, Joël, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors je suis contente de vous avoir reçu dans nos locaux et j'espère que vous reviendrez nous voir. Ah ben avec plaisir. Quant à nous, auditrices et auditeurs de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura, bye tout le monde.